Billy le million, la quicheta. J'te sors le midi, t'es mignonne quand tu j'tas. Tu te rappelles quand on dormait dans le spa, au de blé, et qu'on se prenait pas pour des stars. J'étais sur écoute, donc j'ai changé de tel et d'hôtel. Dans le rap, j'ai jamais changé de thème. Je fais les choses bien, les pochons, je les dose bien. Dans la rue, interdit que l'on dépose plein. J'suis dans le business avec deux trois gitans. Le commissaire m'a dit, toi t'es agité. Touche à la mif et je rentre à la mi-temps. Et ça sera pas pour la musique que tu me verras au JT. On m'a dit, Fouette, on est content de ton parcours. Par cœur, on le connaît, maintenant tu es partout. Par contre, à l'époque, quand tu guettais au parking, au parquet, moi j'ai jamais marché les jambes écartées. Ici, y'a que des haineux. Yo, yo, yo. Ça préfère fumer le pneu. Yo, yo, yo. Parce que les gens de chez toi viendront pas toucher chez toi, même si t'as mis le fameux. Yo, yo, yo. Ici, y'a que des haineux. Yo, yo, yo. Ça préfère fumer le pneu. Yo, yo, yo. Parce que les gens de chez toi viendront pas toucher chez toi, même si t'as mis le fameux. Des fois, la vie c'est très trop, un peu comme le rosé. La nuit, ça sort la guitare pendant les soirées arrosées. Et je parle pas de la guitare à José. Poto, si t'as poupou, ils le seront au procès. Ça fait des dégradés, ça fait le def. Ça fait toucher la bavette arrière du YZF. Ça fume que des grosses balles devant les CRS. Si t'entends le pompeter de loin, c'est ma RS. On les buzz, sans que des gestes. Jules best, best, vient de la thèse. Mes CD ils sont en or, comme les balles du Glock. Ma bosse c'est du diamant, ça fait 6 ans que je les choque. J'ai gardé ma mentalité, j'ai les crocs, t'as pas idée. J'ai gardé mon petit couteau au fond de la sacoche. Là ça fait 30 ans que je les choque. 30 ans que cette vie m'a moche. Ici y'a que des haineux. Yo, yo, yo. Ça préfère fumer le pneu. Yo, yo, yo. Parce que les gens de chez toi viendront pas toucher chez toi, même si t'as mis le fameux. Ici y'a que des haineux. Yo, yo, yo. Ça préfère fumer le pneu. Parce que les gens de chez toi viendront pas toucher chez toi, même si t'as mis le fameux. Beaucoup m'ont déçu. Ouh yo yo yo. Beaucoup m'ont dégoûté. Ouh yo yo yo. Beaucoup m'ont déçu. Ouh yo yo yo. Ils veulent te monter dessus. Ouh yo yo yo.